quatre pattes. Paya, Saya, Chantar, Ra. Les quatre pattes. Chat, plat, âme, pâte, les quatre pattes. Virlangue. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Répétez. Tu n'as pas de chat? L'âne a quatre pattes. Papa et maman adorent le panda. Anna va à la plage. Attention. Gras, grand. Sac, sang. Plat, plan. Répétez. Gras, grand. Sac, sang. Plat, plan. Répétez. Arrapaza, vaya praza. Le car part de la gare. A praia de Area Branca. Ma tasse est basse. À bientôt.